Inch'Allah, à Lyon, on va finir le chapitre sur les points qui sont relatifs aux shurut et takfir. Donc à la page 27, نعم قال مسألة ضوابط المسائل الظاهرة. On a souvent répété le mot مسألة ظاهرة. C'est quoi une مسألة qu'on appelle ظاهرة? Une مسألة qu'on appelle claire. Comme on a vu, il y a des savants qui disent que إقامة الحجة c'est pas une condition en ce qui concerne les مسائل الظاهرة. Les مسائل, les points qui sont clairs. Oui. Comment on reconnaît un point qui est clair? Bien qu'on a vu une parole de Cheikh Al-Uthaymeen qui dit que ou qui indique que le fait d'avoir séparé les points entre ceux qui sont clairs et ceux qui sont ambigus, ceux-ci divergent d'une personne à une autre. Ça veut dire que pour une personne, ça peut être des points qui sont clairs, et pour une autre, ce sont des points qui sont ambigus. Naam. Al-Muhim, ça c'est Mimbab al-Fa'ida. C'est pour que vous sachiez reconnaître, ou que. Naam, vous sachiez reconnaître c'est quoi qu'on appelle une mas'ala bahira. Et une mas'ala khafiyya. Taïd. Qala dawabit al-mas'ala al-bahira. La réglementation des points, clairs. أولا أنها مسائل معلومة من الدين للضرورة يعلم الخاص والعامة أنها من دين المسلمين. Donc ce qu'on appelle des مسائل qui sont ظاهرة, ce sont tout d'abord des points qui sont connus de tout un chacun. C'est des points qui sont connus de tout un chacun parmi les musulmans. يعلمه الخاص, que connaissent ceux qui sont spécialisés en religion, c'est-à-dire les ulama ou tullab al-ilm, ou même les awam. Ils savent que ces choses-là, ces points-là, font partie de la religion musulmane. مثل توحيد الله الألوهية وتحقيقه وترك الشرك والصلاة والصيام والحج. صلاة والصيام والحج والتوحيد. كل هذا معلومة من الدين بالضرورة. Ça c'est des choses que tout le monde connaît. Tout un chacun parmi les musulmans connaît. Donc tout ce qui est relatif au tawhid, au salat, au siyam, au hajj, ceci fait partie des مسائل ظاهرة. ثانيا أنها مسائل إجماعية الدليل فيها محكم لا تدخل عليه الشبه والتأويل والخطأ والخلط أو الخلط مثل تحريم الفواحش كالخمر والزنا والربا وغير ذلك. Et aussi, ce sont des points où il y a l'unanimité des savants, sur lesquels sont d'accord l'unanimité des savants, et dont le dalil, et dont la preuve, il est clair, muhkam, dont le dalil est clair. Et il ne peut laisser place au shubah, à l'ambiguïté, ou à une quelconque interprétation erronée. Comme exemple, tahrim al-fawahish, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la perversité. Comme le fait de boire de l'alcool, ou de faire zina, ou de manger du riba, les intérêts, l'usure. Tout ça, c'est des points qui sont connus de tout un chacun. Naam. Tout ça, ce sont des points qui font partie des masail al-bahira. Taïb, thalithan, annaha masail jaliyah, bahira. يتناقلها المسلمون عوامهم عن خواتهم. Troisièmement, ce sont aussi des points qui sont clairs et qui se transportent de muslim en muslim. يعني مثل ما اشتهر مثل حكم الأكل في الصيام. يعني comme par exemple le fait de manger durant le fait de manger durant le siyam. يعني في نهار رمضان. Le fait de manger pendant le mois de Ramadan, هذا c'est connu de tout un chacun, c'est haram. نعم. مفهوم؟ طيب. أو الكلام في الصلاة. Ou comme le fait de parler durant la salah. Donc ça, c'est le dawabit, ça c'est avec c'est de par cela que tu reconnais qu'une mas'ala, elle est zahira, selon certains ulama. Mais selon Cheikh Al-Uthaymeen, même ça, il se peut que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire ça c'est clair pour toi, et ça c'est moins clair pour moi. Surtout par exemple dans les mas'ala de Tawhid. Non. Al-Muhim, vous retenez que يعني المسائل الظاهرة c'est soit des points qui sont معلومة من الدين بالضرورة ou soit c'est des points où il y a un consensus l'unanimité des savants ou soit c'est des points que les musulmans ont appris les uns les autres يعني qui sont propagés c'est répandu dans les pays d'islam comme le fait de manger durant Nahar Ramadan. Ça c'est des choses qui sont répandues comme quoi la plupart des gens savent que ceci est interdit. نعم. والمسائل الخفية et donc les مسائل qui sont ambiguës ce sont المسائل غير معلومة من الدين بالضرورة لخفائها أو لخفائها وعدم انتشارها بين العامة مثل مسائل الأسماء والصفات التي وقعت أو التي وقع النزاع بين أهل السنة وغيرهم من الفرق المخالفة. نعم. يعني المسائل qui sont خفية qui sont cachées ce sont les مسائل qui sont pas connues ou qui sont pas connues de tout un chacun غير معلومة من الدين بالضرورة. يعني ماذا comme par exemple les مسائل concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, hada, ça rentre dans les masaïl khafiyya. Non. Al-Istiwa, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son arche. Ou ru'ya, al-ru'ya, bi-khilaf, non, ou al-ru'ya. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le voir yawm al-qiyamah. وكذلك في الجنة. Tout ça, c'est des masaïls qui sont khafiyya. C'est pas des masaïls qui sont zahira. نعم. بخلاف صفات الصفات التي هي من لوازم الربوبية كالقدرة والعلم. فهذه الصفات تندرج تحت المسائل الظاهرة لتعلقها بتوحيد الربوبية. طيب. Donc, les noms et les attributs, ils rentrent dans les masaïls. مسائل الخفية. Maintenant, c'est pas tous les noms et attributs. Il y a des noms et des attributs. Par exemple, Al-Qudra ou Al-Ilm. Ça, c'est des attributs qui vont rentrer dans les مسائل معلومة من الدين بالضرورة. Ça va rentrer dans les مسائل الظاهرة. Pourquoi? Parce que c'est connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toute chose. Et كذلك, il connaît toute chose. فالعلم والقدرة يعني يدخل في المسائل الظاهرة. نعم. En fait, je vais demander, vu que la salam, c'est il y a un verset clair, Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est clair. Normalement, ça devait être connu de tout le monde. نعم لكن ما معنى الاستواء على يعني سي باسكو لا الخلاف لي منو سور لانتربريتاسيون دي مستوى بعضهم قال استولى سوني دون استولى ils l'ont pris il c'est à dire il est il l'a pris par force يعني بمعنى استولى لكن الاستواء معلوم كما قال الامام مالك الاستواء معلوم والخير مجهول والسؤال عنه بدعة وما أرى إلا أن يعني أنك مبتدع أو كما قال المهم يعني أصلا هذه المسائل لا وثمن جست لباب mais c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut retenir par cœur c'est juste pour que vous sachiez demain vous allez voir dans certains livres يعني في هذه المسألة لا يحتاج إلى إقامة الحجة لأنها من المسائل الظاهرة. شو؟ المسائل الظاهرة بدل البغبوكو. مسائل خافية بدل البغبوكو. donc pour savoir déjà c'est quoi le moral, c'est quoi le but visé par ces mots, c'est pourquoi on les a expliqués là. mais en vérité comme Cheikh Al Uthaymeen dit, ça peut pour toi tu peux dire que c'est une مسألة ظاهرة. Alors que pour d'autres, tu vas voir que c'est pas clair. Non. Ou pour toi, tu vas dire que c'est pas une mas'ala zahira, et d'autres, ils vont dire que c'est zahir. Non. طيب قال ثانيا مسائل وقع فيها النزاع. مسائل وقع فيها النزاع. عفوا كويزي. مسائل وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم والجهل بها ناشئ عن شبهة منسوبة إلى الكتاب والسنة طيب parmi les مسائل qu'on appelle خفية ce sont les مسائل où il y a eu une divergence entre les gens de la سنة et les مبتدعة et que l'ignorance sur ces points résulte d'une chouba, d'une ambiguïté. Non. مثل معتقدات الفرق المخالفة لأهل السنة التي تخالف النصوص الشرعية مثل مخالفة المرجئة لأهل السنة في باب الإيمان. comme par exemple la contradiction des murji'a contradiction ils contredisent أهل السنة sur le point de la foi. Sur le point de la foi. Eux, ils vont prendre des hadiths. Comme le fait, le hadith qu'on a vu hier dans Muslim. Mahou. Et Abdelkarim. Le hadith, elle a dit. Le Rasulullah a dit ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يدخل النار فهؤلاء المرجئة يجيان يفهم تغسلة في أحاديث et ils pensent que خلاص celui qui a dit لا إله إلا الله lui quoi qu'il arrive il n'entrera pas au feu et du coup de surcroît ils ont pensé que sa foi elle ne descend pas بل elle ne fait que d'augmenter. Ou elle est au même niveau que la foi des malaïques. Donc tout ça, ça fait partie des مسائل الخفية. وكذلك ثالثا مسائل خفية لا تدرك بمجرد النظر إلى الدليل بل لا بد من إعمال العقل لفهمها. Il y a des points qui sont vraiment يعني particuliers. Et dont le résultat ou le sawab, la voie juste, elle n'est pas claire. Yani, et on est obligé d'employer la raison pour atteindre la vérité. Il a donné un exemple. Non. طيب مثل لها بتحريم نكاح المرأة على عمتها. نعم. Ils ont donné un exemple. أو أن القاتل عمدا لا يرث. Celui qui tue volontairement celui dont il doit hériter. Par exemple, l'enfant, il tue son père. Il le tue volontairement pour avoir l'héritage. Lui, il n'hérite pas. Lui, il n'hérite pas. Comment on sait qu'il ne doit pas hériter? Parce que là, ils ont pris des adillas qui ne sont pas clairs dans ça, mais qui indiquent que dans ce cas-là, il ne doit pas hériter. Vous avez compris? Voilà, en fait c'est des choses qui sont pas claires. Là, ce jugement-là, le fait que la personne ne doit pas hériter. Ou que Annaldid a ce dos. Ou que le grand-père, il doit avoir le sixième de l'héritage. Tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément précisées, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais il y a d'autres ahadiths et d'autres versets qui peuvent indiquer cela. Et c'est les savants qui ont compris ces versets et ces hadiths pour les appliquer dans ce genre de mas'ala. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment khafiyyah, qui sont vraiment cachés, c'est-à-dire qui ne sont pas clairs pour les gens. Et c'est là, dans ces points-là, tous les savants ils sont d'accord pour dire que l'Iqama te fait bien la bouche. Que tu es obligé de faire l'Iqama te fait bien. Mais l'autre, quand c'est mas'ala al-bahira, on a vu une partie des savants qui disent مسائل الظاهرة لا بد يعني لا تحتاج إلى إقامة الحجة ولا يعذر بالجهل. Et les gens ne sont pas excusables par l'ignorant dans les مسائل الظاهرة. طيب la page d'après, il y a un point qu'on n'a pas besoin de voir. هل يشترط قصد المعين لمعنى الكفر comme on a déjà كما تقدم نزل. طيب أما الموانع عند قوله أما الموانع parce qu'on a vu là on a terminé avec les شروط. طيب les conditions on les a vues. Qui c'est qui peut nous faire un bref rappel des conditions pour rendre une personne médecin? Abou Hamd إقامة الحجة هذا أعظم الشروط واختلفوا في مسائل الظاهرة أو الخفية والصحيح أنها شرط في جميع المسائل إلا فيما يتعلق بسبب الله وما أشبهها. نعم. وكذلك شروط في الفاعل أن يكون عاقلا ماذا بالغا معتمدا متعمدا عفوا مختارا له. وكذلك شروط في الفعل أن يكون هذا الفعل أولا ثبت بدليل في الكتاب والسنة أو على أقوال العلماء. وكذلك هذا الفعل لابد أن يكون صريح لابد أن يكون صريحا. وكذلك شروط في ثبوت ذلك يعني أن يكون هناك إما هذا الفاعل يقر على نفسه يقر على نفسه il reconnaît qu'il a fait cette œuvre là. S'il reconnaît que lui il a dit cette parole de la mécréance ou qu'il a fait cette œuvre, فنعم أو بشهادة رجلين عدلين مسلمين. نعم وإقامة الحجة كما ذكر أبو هند. هذه هي شروط في التكفير les conditions. Maintenant là on va voir les موانع. موانع c'est le contraire des conditions. Les conditions, elles doivent être là pour rendre une personne mécréante. Et les mawani', c'est tout ce qui va empêcher de rendre la personne mécréante. Ça va? Donc en vérité, ça va être juste le contraire des conditions. On a dit, pour les conditions, il faut qu'il soit aqil. Le contraire qu'il soit aqil, c'est quoi? Majnoun ou يعني مغمى عليه qu'il soit dans le coma ou autre. Tout ça, c'est des mawana. Ça va ? En fait, là, c'est simple. Là, maintenant, comme on a vu les conditions, là, on va juste voir le contraire. Ça va ? Et après, avec ça, on aura terminé. Et après, ça va aller vite. Après, là, on a terminé ces points-là. Inch'Allah, après, on rentre dans le deuxième. Naqib. Et après, Inch'Allah, d'ici une semaine, on a terminé le tchèque. Après, ça va aller très vite. Inch'Allah. Hein, monsieur, c'est ces points-là. Parce que toutes les abrogations qu'on va voir après, on sera obligé de mettre en pratique ces points qu'on a vus. Si on veut, si jamais on veut rendre une personne bidafi, kafir. Hatta fi masalat al-sihr. Hatta fi masalat al-sihr. La bud min hadhi l'umour. Tama? Naam. Qala amma al-mawani' jam'u mani'un. Donc mawani' c'est le pluriel du mot mani'. وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم أو عدمه. Bon, ça c'est une définition qui est un peu dure à comprendre. ما يلزم من وجوده يعني المانع c'est ceux dont la présence oblige l'annulation du jugement. Ma forme là voilà. C'est compris. Oui. وَلَا يَلْزِمْ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودَ الْحُكْمِ. Et ça ne sous-entend pas que si cette chose-là, ce mani', il n'est pas là, ça ne sous-entend pas que le jugement sera là. Oui. الآن عندك comme on a dit, مِنْ مَوَانِعْ parmi les mawani' زَوَالِ الْعَكْ. Donc si par exemple quelqu'un il fait un sujoud pour autre qu'Allah, mais il est fou. Le fait qu'il est fou là, c'est un mani'. C'est quelque chose qui nous empêche de le rendre mécréant. Tamam? Donc là, comme ce mani', il est présent, le jugement est annulé. Tamam? Maintenant, si ce mani', il n'est pas là, si il n'est pas fou, mais il s'est prosterné, c'est pas parce que l'interdit n'est pas là que le jugement il ne tombe pas. Tu vois? En fait, le fait que le mani il soit pas là, ça veut pas dire qu'on doit imposer le jugement il tombe ou le jugement il s'annule. Vous avez compris? Al-Muhim, ça, de toute façon, c'est pas super important. Hein, mais si, c'est que vous avez compris c'est quoi les conditions. Et le contraire des conditions, c'est le mani. Comme ça va venir. طيب وتقسيم موانع التكفير وتقسيم موانع التكفير على على على على ثلاثة أقسام. Tu vois donc يعني les موانع ils se composent de trois groupes ou de trois catégories comme on a vu dans les conditions. موانع في الفاعل des موانع des interdits dans qui en concernant l'auteur. وَهِيَ مَا يُعَارِضُ لَهُ بِمَا يَجْعَلُهُ غَيْرَ بِمَا يَجْعَلُهُ غَيْرَ مُؤَاخِذٍ غَيْرَ مُؤَاخِذٍ غَيْرَ مُؤَاخِذٍ بِأَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ شَرْعًا وَهِيَ مَا تُسَمَّى بِعَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ. طيب مثل الجهل donc l'ignorance ça fait partie des موانع الجهل الذي هو عدم العلم وعدم العمل l'ignorance qui n'est autre que le fait de ne pas connaître et de ne pas œuvrer avec ce que l'on connaît. Ça c'est le contraire de quoi du coup الجهل يعني الان عندك ماذا بالغ عاقلا مختارا له او متعمدا احد الامرين متعمدا ومختارا له عرفت c'est pas l'ignorance non volontaire c'est ça l'ignorance non volontaire Qu'est-ce que t'as enseigné par ça? Comme on avait dit... Ouais, celui qui ne veut pas apprendre. Ouais, naam. Là, on parle de celui, voilà, celui que... هذا ما يحمل على من لا يريد أن يتعلم لا هذا يعني أمر آخر نعم طيب والخطأ الخطأ في الكونفرنس دوكا متعمدة نعم الذي هو ارتكاب ما يخطئ فيه الإنسان عن غير قصد والتأويل التأويل c'est une mauvaise interprétation on va dire مثلا pourquoi beaucoup de gens de l'innovation ils n'ont pas été on les a pas rendus mécréants lorsqu'ils ont dit par exemple Allah subhanahu wa ta'ala ما عنده يد بل المعنى النعمة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يعني الله سبحانه وتعالى يدي إلى deux mains qui sont ouvertes eux ils ont dit les deux mains c'est pas le sens apparent ils ont dit ça c'est la ni'ma d'Allah ils ont fait une interprétation par rapport à cette interprétation les savants ne les ont pas kafar mubasharatan ça fait partie des mawani' non donc haoula yuqim alayhim al-hujjah bila khilaf طيب كذلك الكراه الذي هو الزام الشخص بما لا يريد او الغضب donc l'ikrah c'est le fait c'est la contrainte non وكذلك الاغماء le fait de l'ighma c'est de tomber dans l'évanouissement. Al-Irma wa zawal al-aql wa al-nisyan. Et le fait que la raison, la perte de raison, ainsi que l'oubli. Tout ça, ça fait partie des mawani' al-tafir. Taïb, thumma mawani' fil-fi'l al-mukaffar li-kawn na'am. Et ensuite, après, le reste, c'est le fait que le fi'l, l'action, elle n'est pas claire. Le fait que l'action n'est pas claire dans, c'est-à-dire dans son indication vers le coffre. Comme on avait précédemment dans les conditions, dans les choses. Et aussi le fait, yani mawani' fi thubut, le fait qu'il n'y ait pas de témoins qui attestent que cette personne a mécru. Deux témoins musulmans. Par exemple, si tu n'en as qu'un seul, et t'en as un deuxième, c'est un kafir. Hala min al mawani. Non. Mafoum. Inch'Allah, ghadan, nadkhul fi an-naqid al-thani wa inch'Allah al-thalith kalam. Wa fikum.